regarde les gens, il file mille vies, mille visages. Il ressasse le temps devant mille mirages. C'est l'âge. En appui sur sa canne, ses deux mains sont ridées. Parfois il ricane, souvent ses yeux sont vidés. Il s'en fout de ce qui se trame, c'est plus ça l'idée. Il profite des derniers charmes tant qu'il peut regarder. Parfois il fixe, mais c'est pas pour défier. Tu sais, suffit d'un reflet pour pouvoir ressasser les morceaux de destinée qu'il a dû amasser. Au loin, une cloche sonne, l'heure d'une sortie de classe. Et il divague dans son enfance, revoit des faces de gosses, des farces et le gloss de la grande sœur du pote d'en face. Mince, c'est loin tout ça et autre, putain que le temps passe. Tu sais, quelle que soit ta trace, au final, il te restera que des souvenirs fugaces. Je passe devant son banc, il a pas l'air soucieux. Il sourit quand je le salue, se contente d'un tout petit peu d'échange, de rapprochement, un peu c'est lumineux. Avant il aurait eu d'autres vœux, maintenant remplir le creux, c'est un sourire, c'est un bonjour.